La faïence enfin l'emporta, et parmi toutes les faïences, la fine faïence de Moustier. Quel livre, même le plus précieux, avec le sédame immémorial de sa tranche, l'escargot choisi de ses gardes, les nervures nettes de son dos, et les petits fers de ses plats, où l'or délicieusement terni se joue en nobles arabesques, sur fond de vos fauves, et cuissonné parfois d'un blason, valu jamais pour l'œil qui sait voir, et pour la main qui sait toucher, une simple assiette, une buire, un pot pourri, signoléré sous clérici. Et cet émail, d'une si exquise pâleur, à travers lequel, pareils aux délicates veines bleues des épidermes féminins, de légers dessins transparaissent. Mais revenons à notre histoire. Je collectionnais donc les moustiers, comme je les collectionne encore, car toute la neige des années n'a pu refroidir mon ardeur. Lorsqu'une fortune inespérée vint, ces choses arrivent souvent, j'eus le trouble dans ma vie. L'ami Sub, que vous connaissez, l'ami Sub, croyant bien faire, m'offrit pour ma fête un portuilier, irréprochable comme émail, non moins admirable comme forme et décoré de petits grotesques dans la manière de Bérin. Pièce unique, sans prix, digne de figurer sous la plus fière des vitrines. C'était vraiment un cadeau royal que m'avait fait l'ami Sub. Par malheur, s'il faut tout vous dire, une des burettes manquait. D'autres, malgré cela, se fussent estimés heureux. Mais le cœur de l'homme est insatiable.